Le dirigeant suprême du parti, de l'État et de l'armée Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a dirigé sur place les exercices de lancement de fusées balistiques des troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'Armée Populaire de Corée, en compagnie des cadres responsables du Comité Central du Parti du Travail de Corée, y compris Lee Byung-chul et Kim Jong-sik, des hommes scientifiques et des techniciens des secteurs d'études des armes nucléaires et des fusées. Aux exercices ont participé les troupes chargées de l'attaque au cas échéant des bases des troupes d'agression américaines en stationnement au Japon. En faisant le tour des champs de tir des fusées balistiques, le dirigeant suprême s'est renseigné sur les préparatifs des exercices. Au poste d'observation, il a écouté le programme de lancement et donné l'ordre de commencer les exercices. En regardant la traînée des fusées, il a déclaré que les troupes d'artillerie façon des forces stratégiques sont habiles à présent dans l'organisation de frappes et de commandement, qu'elles assurent parfaitement la rapidité et l'accord des frappes, et que nos fusées balistiques sont d'une haute précision, à tel point que 4 fusées lancées au même instant évoquent le vol en formation d'une aviation acrobatique. Il a estimé plus d'une fois les artilleurs qui ont fait réussir les exercices de lancement simultané des fusées balistiques et affirmer que c'est une grande fierté du parti de l'État, de l'armée et du peuple d'avoir les forces stratégiques de l'armée populaire de Corée, forces stratégiques de super élite, armées des puissantes fusées balistiques et originales, et de la méthode des frappes à la coréenne. Il a précisé devant les cadres accompagnants les tâches posées pour établir impeccablement le système de direction unique du commandant suprême sur les forces stratégiques, unique système de commandement et d'entretien, perfectionner davantage la méthode originale des frappes des fusées, dont le principal est la scientifisation et la modernisation pour le combat réel, continuer à mettre au point des fusées d'ultra-précision et intelligent de notre manière, et les améliorer qualitativement et quantitativement. Il a ordonné aux forces stratégiques de l'armée populaire de Corée de se tenir en haute vigilance conformément à la demande de la grave situation qui risque de voir éclater à tout moment un conflit armé, et de faire tous les préparatifs de déplacement, de position, technique et de frappe, pour que chaque lancer fusée puisse tirer juste au moment de l'ordre du comité central du parti. Le dirigeant suprême s'est fait photographier en souvenir avec les artilleurs, après avoir exprimé la certitude qu'ils accompliront admirablement leur mission sacrée de forces armées nucléaires fiables du Parti Travail de Corée dans le combat décisif contre les ennemis.